aventure faite en club. On est 30, ouais, c'est mort. Je la soulève fort d'un bras comme barre tranquille. Comme barre tranquille, gamin tel qui ring dans la nuit pour 3 millions, jamais tranquille. Non, c'est parce qu'on les encule fort qu'ils font qu'un bébé qu'on est la pérasse. Ou parce qu'on t'allume ta mère, je porte bas nuit, on t'aura sa terrasse. 9000, je l'ai. Sur moi, pas le temps d'aller jusqu'à la caisse, le prendre et revenir. Hein. 1000, je l'ai. T'es trop bonne bébé, sorry, j'arrive pas à me retenir. Non, je n'étais pas un chien pour faire du hip-hop. Du hip-hop. Oui, oui, oui. Vous voulez vous mettre les buts à toute la K-pop. Ça c'est la part de tous mes potes. Ouais, je n'étais pas un chien pour faire du hip-hop. Du hip-hop. Oui, oui, oui. Vous voulez vous mettre les buts à toute la K-pop. Ça c'est la part de tous mes potes. Ouais. 5 caisses dans le club comme si on partait en guerre. Toute la semaine vous parlez beaucoup, vous allez rien faire. Une belle patèque, une chaîne en ice, mon vieux, c'est ça les affaires. Hey, vous parlez beaucoup mais je le répète, vous allez rien faire. Est-ce que sur moi j'ai les 9000? Je l'ai, je l'ai. Beaucoup d'argent et peu d'amour. Je l'ai. Sur un hôtel ça vaut. Je porte les 5 pains de rosé, putain ouais c'est lourd. On l'a mis. Je veux le même patrimoine qu'un Aznavour. Combien de pertes, combien de stars font le four? 9000. Portez ce coup depuis long time, je suis pour. 9000. Quitte à mourir comme Tupac Shakur. 9000. Je n'étais pas un chien pour faire du hip-hop. Du hip-hop. Oui, oui, oui, oui. Vous voulez vous mettre les buts à toute la K-pop. Ça c'est la part de tous mes potes. Ouais, je n'étais pas un chien pour faire du hip-hop. Du hip-hop. Oui, oui, oui. Oui. Vous voulez vous mettre les buts à toute la K-pop. Ça c'est la part de tous mes potes. Ouais,